Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Ne vous étouffez pas avec vos cachous! Car vous écoutez les palmarès, c'est fou! Bonsoir et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 9 au 15 novembre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Virginie Cossette. Et cette semaine, quelques nouvelles entrées du côté anglophone. On a Pussifer, Jessica Hoop, Dragonette. Et du côté francophone, on y va avec Gatineau, une nouvelle de El Motor et une nouvelle d'Alexandre Champigny. Et c'est par ça qu'on commence. Oui. Parce qu'on n'aime pas ça s'étouffer sur nos cachous. Donc, on va y aller avec de la musique pour se divertir un petit peu la bouche. Et voilà. Autant que les oreilles. Chantons. Chantons tous ensemble un petit peu avec Champigny. Voici Aspiration au Palmarès. C'est fou. Au 89.fr. Oui. On aurait pu dire n'importe quelle autre légumineuse ou noix ou cacahuète. Prendre l'avion, une chambre à louer et sortir. Un regard à la main. Dragonette avec I Get Around, nouvelle entrée en 15e position anglophone de leur album Galore. J'ai bien aimé. Murray aussi. Juste avant du côté francophone, j'ai l'impression que ça fait 15 fois que je dis francophone dans l'espace de 20 minutes. On avait Alexa. Hey, ça c'est vraiment une grosse affaire grave. Grosse affaire, ouais, c'est une grosse constatation dans ma vie. On avait Alexandre Champigny avec Aspiration. C'est bon ça aussi. En effet. J'aime bien ça, moi, ces nouvelles entrées-là, jusqu'à maintenant. On est déjà rendu à nos 14e positions. On va les faire à maintenant, d'accord. Du côté anglophone, c'est Jessica Hoop avec Seed of Wonder en 14e. Ça, c'est du côté anglophone, on le répète. Et juste du côté francophone, juste pour que je puisse le répéter encore une fois. Encore? Du côté francophone, on s'en va entendre Hippocampe de El Motor. Ouh! Un hippocampe en studio dans l'aquarium. Oh! Et tantôt, on va faire d'autres affaires, on va vous parler de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Parce que c'est important, ça aussi. Tu sais, les autres palmarès, c'est la vie. La vie, c'est les autres palmarès. Ouais. Écoutez, les palmarès, c'est fou au 89.1. FM. Sits in ill with a little one. Lean over, laughing. an echo. Bounce down the dock until it hits the floor. Singing, come on, baby, come on, child, call your flow. Like a seed of wonder, faith and mustard. Oh, yeah, oh, yeah. Virgin spring and find the vein with milk and mother when my river bed grows strung upon the thread. The starry beams of light is working under, digging through the dark, gathering particles, finding everything you ever wished for in your soul. Like a seed of wonder, faith and mustard. Oh yeah. Summon, never summon. Jessica Hoop avec Seed of Wonder en 14e position anglophone. L'album s'appelle Kismet. Et en 14e francophone, une fois de plus, El Motor avec Hippocampe. C'est fun d'avoir une nouvelle entrée de El Motor après Alinea qui a duré tellement longtemps comme oui. ça. Ça fait changement un petit peu. Quel changement? Ouh, mais d'où vient cette voix? Hey, mais qui est-ce? Mais c'est Cynthia Paquette-Grenier, dites donc. Ah, mais c'est qui ça? Ah, c'est qui? C'est moi. Bonjour. Salut, toi. Bonjour, moi. Tu vas bien, toi? Hey, je vais bien, toi? Ben, très bien, moi. Et toi? Et moi, écoute, moi, je vais bien aussi. Bon, parfait. Et vous, à la maison, ailleurs, ça va? J'espère que ça va bien. Alors, mon Dieu, c'est déjà bien avancé, ça, ce petit top 15, ben, là? Je veux pas, là, tu sais, ça avance. Ça y va au taux. On est déjà rendu à notre routi, dernière nouvelle entrée. Routi. Ça va au routi. Ça y va au routi. OK, là, j'ai manqué quelque chose. Ça va au toast. On parle en français ici. C'est vrai. Ça nous sommes routi. Une station francophone. C'est ça. Et on est déjà rendu à notre dernière entrée. Oui. Nouvelle entrée. Absolument. Du côté anglophone, on s'en va entendre Pussifer avec Queen Bee. Mais avant, il y aura Gatineau avec Back in the Days. Ouh, sur les ondes de la Radio Campus à Trois-Rivières, je pense, par contre. Oui, oui, je pense que c'est au 89.1 FM. Ouais, je pense. Puis je pense que c'est la radio dans tes oreilles. Ouais, c'est ça, dans vos oreilles. Dans vos oreilles, c'est fou. Les oreilles collectives, ça. OK. Ouais. J'y réfléchis, on y revient. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip hop c'était juste une mode. Si bon pour moi, si bon pour toi, si bon pour moi, si bon pour toi. Viens sans rien, j'fais ça ma façon. J'fais ça frais, c'est bon dans maison. Un saut à titans comme combinaison. Back in the days, dans le temps d'avant d'Aster. Back in the days, avec mon ghetto blaster. Ces instrus de cool maudit. Ça met pas de but, mais c'est cool à maudit. J'rappe en anglais, mais c'est pas par choix. Le seul en québécois qui chasse, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? King du hip-hop, j'rope des moves de break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'un rapper. Back in the days, j'suis dans des hip-hoppers. Back in the days, I'm on hell. Un seul morceau, des PMD, Grandmaster Flash. Tous après-midi, j'tire le sandage. J'fais du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai connu ces rockers. You live in the past, man. Retour, passez feu! Bonjour Brumaire et Bionic au palmarès! C'est fou! Oh. this lady got the thickness. Can I get a witness? Oh, this lovely lady got the thickness. Can I get a hell yeah? Oh, grab them saddlebags and toss them over me. Let's ride on. Dalai Lama. Mm-hmm. Ouais. Non, c'était en fait Pussifer avec leur album V is for Vagina. Ah non, mais c'est vrai, c'est ça que je voulais dire. Ah, c'est de ça qu'on parlait, là. Mais oui. V is for Vagina. C'est ça, c'est ça. La pièce s'appelle Queen Bee, c'est la dernière nouvelle entrée du côté anglophone en 13e place. Juste avant, on avait Gatineau avec Back in the Days de l'album Gatineau, là. C'était un petit peu moins original, on dirait. Ouais, mais... Un petit peu moins, hein. C'est un peu moins vulgaire aussi. Aussi, c'est vrai. En même temps, il y a des gens très vulgaires à Gatineau, ça. Ah oui? Ah. Tu connais? Non, j'imagine. Ah, faut rien dire. Il y en a partout. La vie. C'est vrai, t'as raison. D'accord, je te laisse. J'allais argumenter sur le droit du doute et qu'il fallait pas dire les gens, des méchancetés sur les gens. J'aimerais mieux pas, ouais. C'est ça. Bon, mais sauf que, bon, je te laisse. Je n'argumenterai pas. OK. Je vais accepter ta réponse. On s'excuse pour les gens de Gatineau qui nous écoutent. C'est ça, effectivement. Mais c'était pour eux, en fait, que je voulais m'assiner, mais bon. Attendez, il y a des gens vulgaires partout dans le monde. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas parce qu'on est à Gatineau ou à Trois-Rivières qu'il faut penser autrement. Il faut se faire à l'idée. Résumé des positions 15 à 10 parce qu'on saute par-dessus les 12, 11 et 10. Donc, du côté anglophone, Dragonette est en 15e avec I Get Around. Jessica Hoop en 14e avec Seed of Wonder. En 13e, c'est Pussifer avec Queen Bee. En 12e, c'est Stable Into the Gutter de The Answer. En 11e, c'est une descente de la 3e place pour Galactic. Ouch! Avec What You Need. Je suis sûr qu'il n'y avait pas besoin de ça. Hein? Et en dixième, c'est remonté de 3 places pour She Sleeps Soundly de Five Blank Pages. Partagez-vous ça, les filles. Le reste. Vas-y, parfait. Donc, ça. En 15e position, il y avait Alexandre Champigny avec Aspiration. On avait aussi El Motor avec Hippocampe en 14e position. Ainsi que, comme je disais auparavant, Gatineau avec Back in the Days en 13e. Et en 12e, on a Lettre à un Cowboy de DJ Matan Frac en 11e. Pardon, Les Putes de Paris de Dorothée. Et en 10e, Garde-moi de Gaël, qui a quand même remonté de 5 places cette semaine. C'est ça, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Donc, on l'entendra peut-être dans les semaines à venir si ça continue comme ça. On l'espère pour elle. Bien sûr. C'est. Et parlant de Gaël, regarde par là-bas, voici nos positions numéro 9 du côté anglophone. C'est Bionic avec Black Blood qui monte d'une seule place, 3e semaine de présence, mais avant. Argelès de Bonjour Brumaire. Gaël avec sa mauvaise prononciation. Gaël. Ouais. Non, je voulais te plugger au moins une fois, là, Gaël. Ok. Il est plugué. C'est plugué. Chaque fois qui passe par la fenêtre, c'est un peu grâce à toi, c'est un peu grâce à toi qu'on en est là. Apprends-moi à ne plus voir toutes ces mains qui tremblent. Yeah. Black Blood en 9e position anglophone, ça finit sur une finale genre Chopsticks. Oui, pareil. L'émission avec Passe-Montagne dedans. Comment? Ok, oui, on l'a totalement reconnu, c'est vrai. Oui. Ben oui. Ben oui. La chose que tout le monde apprend quand tu joues au clavier, genre. Là. Moi, c'est mi fa sol sol fa mi ré do. Pas croire que j'ai presque chanté ça. Non? Donc, pendant qu'ils vont se battre contre quelle est la chanson au clavier, en fait, du côté francophone, on a entendu Bonjour Brumaire avec Argelès, mais je dis ça comme ça. Ouais, c'est ça. C'est important, pareil. Oui, oui, ben c'est ça que je me suis dit, là. Ça, c'était les 9e positions. Maintenant, avant de passer au 8e, tournons la page un peu. Virginie, c'était? Giling. Regardons, parce que les gens là, partout là, qui nous écoutent, là, les auditeurs, qu'on pourrait les appeler, sont peut-être pas au courant qu'il n'y a pas seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone, il y a aussi un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 des disques canadiens et un top 30 des albums, les filles. Ça va toujours, ça va? Oui! Commençons par le top 10 électronique et quelques nouvelles entrées de la part de Virginie. Ben oui, tu me donnes du temps, il est plus difficile. Juste ça, j'aime ça comme ça. On a Dorninger avec 8K, et puis qui est en 9e position. Et en 6e position, on a Zero Cult avec Ikebana. Les positions numéro 3 jusqu'à 1 sont par Cynthia Paquet-Grenier. Oui, alors on a Bittersweet avec The Remix Game. En 2e position, on retrouve Zero One avec Ozone. Et le numéro 1, qui était également numéro 1 la semaine passée, c'est Artistes Variés, Various Artists, avec Cinematic Classic Film Music Remixed. C'est beau comment tu dis ça. Thank you. Le top 10 loud, quelques nouvelles entrées en 10e. Becoming the Martyr avec It Seems More Likely Sickness. En 9e, Insect avec Domesticated by the Disease. Et en 8e, c'est Threshold avec The Ravages of Time. Et en 3e position, on a une compilation d'artistes de Trois-Rivières Metal Fest, la compilation qui était donnée à la porte probablement. C'est vrai. En 2e, on a Halloween avec Gambling with the Devil. Et en 1ère position, qui a quand même été en 5e position la semaine passée, Monster Magnet avec Four Way Diablo. Diablo. Top 3 des disques canadiens en 3e position, c'est une nouvelle entrée, Merry Go Run avec Lights and Elements. Du côté du numéro 2, c'est le numéro 1 qui est descendu, qui a été détrôné. On retrouve Steve Hill avec Devil at My Heels. Et puis en 1ère position, ben, c'est juste parce qu'ils ont comme changé de place. Là. C'est le numéro 2 la semaine passée, c'est ça? Ben, c'est Stars avec In Our Bedroom After the War. Absolument. On fera le top 30 des albums un petit peu plus tard dans l'émission, mais retournons au palmarès. Giling. J'aime ça, tu y as pensé, s'il te plaît. Du côté anglophone, la 8e position est occupée par The Paperbacks avec Hesitation Mark qui descend de 3 places, mais avant, téléphérique avec À Distance. Tout de suite au palmarès, c'est fou au 89.1. FM. Oui. Je vais pas finir ça. J'essaye. Peut-être je comprends rien. Ou ça m'arrange de rester dans mon coin. Toujours une distance entre ce que je fais et ce que je pense. Des fois je me sens normal. Ça dure la même. Sa place dans le même sens du courant. Persévère où je cesse de perdre mon temps. Je persévère où je cesse de perdre mon temps. Je vais pas finir. Je vais pas finir. Je vais pas finir. Je veux pas finir ça. So Voilà. Le retour des animaux de Cynthia. C'est beau. Je fais juste la tourterelle, c'est tout. T'en fais pas d'autres? Ben non. Essaie-en d'autres. Essaie la chauve-souris. Non, excusez-moi, je... Ah, on va... Regardez là-bas. Oui. Alors... C'était The Paperbacks avec Hesitation Mark en 8e position anglophone, descente de 3 places. Juste avant, Téléphérique avec À distance, qui était en 9e la semaine passée. Un petit saut en 8e, ça monte tranquillement, pas vite. Ça arrive des fois, ça. Uh-huh. Ça arrive. Nos 7e position du côté anglophone, on est de très grands fans de cet homme. Virginie particulièrement, si vous voyez ce que je veux dire. Sandrine Lerky avec la pièce To Be Surprised qui monte. En fait, c'est une nouvelle entrée la semaine dernière. Ça monte de 7 places. 5, 6, 7, 8. 8 places. 8 places. Vive le calcul mental. Cynthia, qu'est-ce qui se passe en position francophone? Ben, du côté francophone, on a tes Colette. Colette dans 7e place. Mes Colette à moi. Tes Colette. Oui, tes Colette. Hein? Oui, c'est ça. Et avec Soap Opera, qui est, mon Dieu, stable cette semaine en 7e place. Oh, mes Colettes. C'est pas possible, tes Colettes. J'ai hâte de les entendre, c'est comme mes enfants. Ben, c'est ça. Et voilà. Puis en plus, c'est super original, hein, parce que l'album s'appelle Colette. Ah, ben, regardons ça. Ben oui, fait que c'est éponyme, comme tu dirais. Je dirais ça. Mais tu dirais ça, toi. Ouais. Ça m'arrive. Mais ça t'arrive, pas de temps en temps. Toi, est-ce que tu vas nous dire des choses tantôt? Je vais tenter. Je vais tenter de vous faire un cynthiologiste. Je vais te forcer de faire plusieurs cynthiologistes. Pression. Pression, beaucoup de pression. Parfait. Ben, beaucoup de pression. Ben oui, de toute manière, je travaille sous pression toujours. C'est ça qu'elle a dit. Et voilà, toujours. Mm-hmm. Voici Colette avec Soap Opera. C'est ça qu'elle a dit. Mm-hmm. Non, mais c'est ça qu'elle a dit, ça. Elle a dit ça. Elle a dit, vous écoutez les palmarès, c'est fou, 89.1. FM. Il a dit bonne écoute. Merci. Et ferme ta gueule. Ce grand singe devenu homme a la capacité de chanter. Mais faire chanter les autres reste toujours un passe-temps prisé. À la bouche d'un verre débordant de promesses. Suivez tous ces discours, saoulez-vous de cette sagesse. Si une tempête dans un verre d'eau, ça éclabousse des grandes idées. Mettez du vin dans votre coupe, votre verre est depuis longtemps sec. Au retour, Sandré Lerquier, Major Bidet au Palmarès, c'est fou. Bon retour, c'est la deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 9 au 15 novembre 2007. Elle s'appelle Cynthia Parquet-Grenier. Elle s'appelle Yveline! Cossette. Ouais. Il s'appelle Mathieu Plante. Ah, merci. Et vous appelez les auditeurs de CFU 89.1 FM? Non, les palmiers. Les palmiers, c'est vrai, on dit jamais assez. Hein. Nos petits palmiers sont pas chanceux, ils se font pas appeler par leur petit nom souvent. Hein? Et voilà, mais ils devraient survivre. Oui. Wow. On l'espère. Oh, j'espère que oui. Dans cette deuxième heure, les positions 6 à 1, mais avant, c'est l'heure de compléter notre septième position. On est rendu au côté anglophone et on en reparle parce qu'on l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Ben, certains dans un sens, certains dans d'autres sens. Non, mais faut le préciser, tu sais. Sandré Lerquier avec Tupi Surprise tout de suite. Oh, pas l'air assez fou, 89.1. FM. Oui. Je n'expliquerai pas les sens, par exemple. Did you ever stop to thank God along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. Better be prepared to be surprised. André Lerky avec To Be Surprised. C'est la position numéro 7. J'aime ça, ça monte. Oui. Ça monte de 8 places. Parce que tu l'as compté tantôt. Là. Ouais, je sais, mais j'essaie d'avoir l'air intelligent en comptant comme ça. Je m'excuse. 8 places. Juste avant, du côté francophone, c'était ça. Là. C'était Colette avec Soap Opera. Ah, ben oui, ça me plaît. Tu sais, c'est Colette, là. Soap Opera, ouais, mes Colettes. C'est ça, mais c'est ce qu'ils jouaient. On est de même. Vraiment. Je suis en train de faire des doigts croisés. De même! Parce que dans le fond, c'est ses amis. À la fin de semaine, il va veiller avec eux. Puis, Colette et Colin. Bon, je les connais pas, là. Mais oui, mais c'est justement, c'était comme sarcastique. Ah! Je te taquinais, c'est d'une taquinerie. Taquinerie, c'est un vrai mot, par exemple. Oui, j'aurais pu dire comme taquinette, là. Taquinette. C'est comme une petite taquinette. C'était vraiment une taquinerie, c'est juste comme un peu subtil. C'est ça, c'est comme en survol, c'est comme amical. Mm-hmm. En surface. En surface, c'est ça. Dans le fond, quand c'est vraiment une taquinerie, là, c'était vraiment prémédité, volontaire, puis c'était vraiment comme pour taquiner la personne, c'était vraiment profond. Une taquinerie. Taquinette, c'est comme t'as comme ça. Taquinette, taquinerie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un bon essai, 10 pour l'effort. Je suis contente. Merci. Mais mettons que t'as une petite taquinerie, tu veux-tu faire une taquinette nette? Non, ça serait peut-être une petite taquinette. Non, attends, ça marche pas. Non, une taquine, une taquinerinette. Taquinerinette. Une taquinerinette. Ok. Ça serait ça. Mais bon, mon Dieu, on a beaucoup. C'est ça, vous avez compris le principe. En pendant fait, ce temps, moi, j'ai reviré ma page. Ah oui, pour regarder un petit peu le top 30 des albums, parce qu'on est encore dans les ailleurs dans les palmarès. Là. C'est comme plus que d'autres que les top 15 francophones et anglophones. Tantôt, on a fait le top 10 électronique loud des 10 Canadiens. Et puis on est rendu au top 30 des albums. On suit jusque-là? On suit. C'était pas super clair, mais quand même. Non, effectivement, mais on a compris qu'on s'en allait à l'autre côté de la page. C'est ça. Donc, en 30e position, nouvelle entrée pour Aurelia Opry avec Lighthouse for Straggler's Eyes. En 29e, Blue October avec Foiled for the Last Time. En 16e, Kmon avec Bottled Lightning. En 13e, Possifer avec V is for Vagina. Et je prends une pause pour vous laisser terminer ça. C'est tellement subtil comment je fais ça. Hein? Ben oui, beaucoup. Pour ce qui est du top 3, en fait, la troisième position est en remontage. Oui, de 5 places. Avec Coheed and Cambrina avec No World for Tomorrow. En deuxième place, c'est la première position qui s'est échangée avec la deuxième. Donc, la même chose pour le top 3 des 10 Canadiens. Donc, c'est Steve Hill qui est en deuxième position cette semaine avec Devil at My Heels. Et Virginie nous dira avec conviction la première position. En première position, Stars avec In Our Bedroom After the War. Je n'aurais pas pu mieux dire. Non, bon, on aurait pu essayer, par exemple. On aurait pu, mais on n'aurait pas réussi. On aurait échoué. Et voilà, ça a été fou, mon Dieu. Failure. Total failure. On revient à notre palmarès format standard. En sixième position du côté anglophone, c'est The Setting Sun avec Running Demons précédé de... Les mouches de Major Bidet. C'est tout. Quoi faire? Retour à l'hôpital, on va t'embrasser. mot. Pourquoi mettre une machine à glaçons à côté du studio? Je sais pas, hein. Ça, c'est pas pour que t'en manges. Moi, j'en fais vivre, cette machine. C'est pas la place pour mettre ça, ça. On en prend 20 secondes avant d'entrer en onde. Cynthia, sauve-moi. D'accord, The Setting Sun avec Running Demons qui a en fait monté d'une place qui lui aussi remonte tranquillement pas vite à pas de tortue. Mmh. Et avant, du côté francophone, nous avions Major Bidet avec les mouches. Un autre animal. Un autre animal, c'est vrai. C'est ça vrai monte que... à deux. Battement d'ailes de mouche. Ah mon Dieu, oh. Oui, mais en fait, eux descendent. Ah, ben là, bon, je ne m'en marche plus. Non, vraiment pas. Ils s'écrasent une mouche sous une tapette à mouche. Ils se sont écrasés royalement, en fait, de trois places. Ça saigne un petit peu. Il y a comme des restants de foie ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah, oh, ouais, ça a beaucoup trop de détails, là. C'est ça, oh mon blaser. OK. OK, alors, on est tout de suite du côté 5 de notre top 15. Un peu trop de mauvaises blagues ce soir. Un peu trop, mais c'est pas grave, on est habitué. On est habitué. D'après moi, c'est lui qui s'énerve à cause de ma présence. Voilà. Ben, c'est tellement excitant. La fille s'accorde beaucoup trop d'importance. Mais bon, c'est une blague. C'est drôle, mais presque toutes mes co-animatrices sont comme ça, se complimenter elles-mêmes, c'est vrai. J'aime mais ça, mais c'est parce bon que bon t'en fais jamais, écoute. Mais c'est ça. Je vous complimente pas. Non, pas assez. Ah, ben, je te complimente des fois, Rosemary. Hein. Je regarde de même, là, c'est comme, tu sais. Et Cynthia, tu sais, genre. Mais oui, genre. Comme Better Friends Than Lovers. Je pense qu'on est mieux comme ça, ouais. Avec Peter, qui, mon Dieu, remonte, en fait, descend d'une place. Et moi, je m'assume. J'aime t'assume? Être con. Ah, ben. Comme Johnny 5, voici. Aimer être con au palmarès Ifo 89.1. FM. Oui. Qui tenait parti pris de mes opinions. Je ne voyais plus que la révolution. Je répétais la gueule à tous ceux qui disent non. Mais après mûre réflexion, j'ai fait quelques constatations. Qui donc se battra pour la nation si tout l'on fait dans son pantalon? Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand cesserons-nous d'aimer être con? 51% de con. Quand verrons-nous donc l'explosion de la plus grande diffusion? Les sourires et les exaltations d'un peuple uni par l'émotion. La peur bien sûr et l'hésitation n'entraînent que peu de réactions. Mais où est donc l'indignation face à 51% de cons? Quand cesserons-nous d'aimer être cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous d'aimer être cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous d'aimer être cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous d'aimer être cons? 51% de cons. Peut-être jamais nous ne la fêterons, mais nous sommes pas prêts pour l'évolution. Alors s'il vous plaît, filles et garçons, j'aimerais avoir votre attention. Ça semble une grosse décision, mais en fait c'est une solution. À moins de toujours tourner en rond, à moins de toujours passer pour des cons. Quand cesserons-nous d'aimer être cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous d'aimer être cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous d'aimer être cons? 51% de cons. Quand cesserons-nous d'aimer être cons? Oui, j'ai rêvé de tout ça. J'entends tes mères rester là-bas. Tous les habitants de ma foi. Autant pas plus crier en joie. t'es pogné. Je vais t'attraper. On vient d'entendre Better Friends Than Lovers avec Teacher en cinquième position anglophone. Ça descend d'une place. Et justement, c'était ta chanson, je crois, hein, Mathieu? Oui, Mathieu aime être con. Oui, mais ça veut pas dire que c'est ma chanson, mais c'est une bonne chanson. T'sais. C'est sur les palmarès. Ouais. Ça monte. Oui, oui, oui. Ça monte. Ah, mais ça a monté de 5 places cette semaine. Jolie 5 monte de 5. Vraiment? Ouh. Mais de bravo. Bon, on est heureux pour eux. Bien sûr. On est heureux pour tout le monde dans la palmarès parce qu'on les aime. C'est nos amis. Eux autres aussi, c'est des palmiers, tu sais. Comment tu y penses? Mais si nous, on les aime, est-ce qu'eux, ils nous aiment? Ça, par exemple, je pourrais pas te dire. Ben, ils sont mieux. Je les connais pas tant que ça, t'sais. On prend je vais les appeler chacun personnellement. Oui, puis tu peux leur demander. On pourrait également aller écouter Mary Go Run. On pourrait nous dire peut-être la réponse avec leur chanson Electico Si. Puis avant ça, moi, je pense qu'on devrait quand même téléphoner à Frère Viré dans les swamps, là. Les swampards de l'Est. Mm-hmm. Hein, avec, qui habite sur le bord de la rivière. C'est ça. C'est ouais, bon. Dans un petit chalet, une petite cabane. Mais oui, un chat. Au gré de l'air du marais. Ah! Bon, on va faire ça tout de suite après virer zéro. On fait opératrice, s'il vous plaît. En cette belle soirée, je tiens à vous dédier. Maman pèse sur le piton. Un beau grand moment d'une rare intensité. C'est sur le bord de la rivière, en plein mois de janvier. Assis sur le bord de la rivière, en train de prendre ma grosse bière. Une idée folle en plein hiver. Il faisait pas chaud, mais je pouvais relaxer. Puis ce qui était belle fun, c'est qu'il n'y avait pas de danger. Que ces policiers m'empêchent. J'aurais perdu pied à un moment donné sur une plaque de glace très bien dissimulée. problème, c'était que j'étais en pleine, pleine commotion. C'est vraiment poche. Ouais, c'est ça. Pas très bon en chauve-souris. Hein? Hey, bravo! Who's the best? Who's the best? You're the best, you're the best. Bon, mon Dieu, Seigneur, on... Mais qu'est-ce que... Non, mais les filles, là, vous êtes pas à votre affaire. Pas en tout, là. Pas en tout. On est rendu à nos numéro 4. Ça, c'était ce qui vient de jouer du côté anglophone. C'était Mary Go Run avec Ejectio Siga, qui remonte de 10 positions. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière en 14e. Maintenant, c'est la 4e anglophone. Et du côté francophone, on est allé rejoindre les Simon Part de l'Est sur le bord de la rivière. Eux, dans leur shack. Oui. Et maintenant, parlant de shack, il reste 3 pièces de chaque bord. Oh. Hein? C'était beau comme jeu de mots. C'est ça. Mais avant de faire ça, je trouve qu'on fait pas grand-chose ce soir-là, hein? Non, vraiment pas. C'était presque changement d'habitude, hein? Presque, mais les sociologistes s'en viennent, je vous dirais, là, après le top 3, là. Ah mais oui, pas après le top 3, mais après le numéro 3. C'est ça, parce que j'ai l'impression des fois que tu fais des promesses que tu peux pas tenir. Hey, non! C'est comme ça? Ben moi, je dis que tu me coupes tout le temps. Ça y est, chicane. Chicane de co-animateur. Moi, je dis plus rien, je ferme mon micro. Ben c'est ça. Mais là... Bon, ben Virginie... Mais là, moi, je disais... Mais là, je canne pas! Ah non, mais... Mais attends, ça va bien aller, là. Dis-moi le numéro anglophone, m'a fait le numéro francophone, comme si Mathieu ne serait même pas là. Ouais, fait que on prend le relais, hein. Sûr, numéro 3 anglophone, on va écouter Creed and Cambria avec The Running Free. Oui, et qui est, mon Dieu, en augmentation de place. Augmentation de, qui est passée de 8 à 3. Oui, de 8 à 3. Et puis, en fait, petite parenthèse comme ça, ce qui se rend pas compte, là, moi, c'est quand je parle, ça fait au moins 6 que je lance aujourd'hui. Mais non, moi, je ne tiens pas mes promesses. Mais non, mais non. Mais aucune rancune ici. Et puis, Corrie Cambria, on se souvient qu'il est dans les top 30 des albums. En troisième position. Ah, qui c'est qui suit? Je pense que c'est Cynthia. Moi, je pense que c'est moi. Du côté francophone, on va retrouver également Geneviève et Mathieu. Qui ne pleure pas, Mathieu, ne pleure pas! Non, mais je pense que là, il y a trop de peine, fait qu'il pleure beaucoup. J'espère que vous allez vous réconcilier. Ben oui, ben c'est sûr. Mais pendant la pièce de Geneviève et Mathieu, nous pleurerons avec toi. Tout ce dont j'ai rêvé, je me dirais tu es vraiment pendant que tu joues de mes sentiments. Je ne sais pas pourquoi, je souris tout à coup, je pleure. On m'a peut-être fait quelque chose, c'est drôle, je ne mens. Ne te souviens pas. Ne pleure pas, le temps et le vent reviendra secouer mes mains si tièses. Ne pleure pas, amour et forêt sous les vents, mélodie, ta mélodie. Je sais, je n'en ce sentiment-là, je sais, je ne ris pas souvent. Je vois des pipeaux blancs. Mélodie légendaire, j'aurais tant aimé qu'elle existe toujours en dehors de moi. C'est quand je la touche qu'elle apparaît, la mélodie fidèle. Retour, Corey Del Cabria, le Husky, Steve Hill, Stars et peut-être Tico Machine, on verra. Au palmarès, c'est fou. We'll be right back.

Les palmarès de cette semaine, Civil Nas a made du côté anglophone et juste avant. Le Husky avec David Bowie. Oh, David Bowie. Oh oui, David Bowie. Remontée de deux places, tantôt ça va être nos numéros 1, mais avant de passer à nos numéros 1, passons à quelqu'un qui est cher à nos yeux. Faut le dire, non, c'est vrai quand même. Ah oui, oui. La rédactrice en chef du journal Zone Campus à l'UQTR, elle s'appelle Elisabeth Marino, communément appelée Ellie. Oui. Bonjour, Ellie. Bonjour, Mathieu. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, toujours. Oui, tu peux demander aux autres s'ils vont bien aussi. Allez-vous bien, les filles, Virginie? Chose. Oui, chose. C'est une chose. Chose avec un I. Ah, je vais bien. J'avais très bien le truc. Parce que c'est Cynthia avec un I, fait que chose avec un I aussi. Elisabeth, parlons du journal. On n'a pas des tonnes de temps, comme toujours. Non, mais hey, c'est extraordinaire encore, cette livraison. Donc, en une, nous avons un retour sur l'huître qui a reçu dernièrement une équipe de Marseille. Donc, un bel arbitre sur le cover et c'est très apprécié. En actualité, on revient sur les pourparlers pour le syndicat des professeurs qui sont en pleine négociation. Donc, un petit article de M. Vincent Côté-Léger. Un retour sur la commission Bouchard-Taylor lorsqu'ils sont venus à Trois-Rivières. En page 3, encore au tout début, on parle des prochaines activités du bac vert, soit le nettoyage des boisés de l'UQTR, parce que on sait qu'on est une université qui a un campus vert. Oui, oui, c'est ça. Ben oui, donc, on nettoie tout. Et le bac vert fait partie des... Il est une entreprise pour cela. Mm-hmm. Bon, toujours ici, la chronique du controversé Guillaume Michelet-Janson, la grande désertion. Donc... Ça parle de cactus. Ça parle de... Oui, comme toujours. C'est ça. Oui, merci, Mathieu. Un petit éditorial, encore une fois, sur les infinis possibles du super-espace. Donc, c'est à vous de lire. T'es encore sur des Facebook MySpace, hein? Oui. Quand on manque d'imagination, on s'en va dans Internet, parce qu'Internet, c'est la vie. Et la vie, c'est Internet. Voilà. Donc, ensuite, une magnifique caricature, un vox pop. La question, êtes-vous satisfait de la qualité de l'enseignement de votre programme d'études? Et des réponses, ma foi, intéressantes. c'est à vous de lire, toujours. OK. Enfin, aussi, en actualité dernière, Assemblée générale spéciale de l'AGE, où les étudiants décideront de leur sort, parce que, bon, on sait qu'il y a toutes sortes de petits trucs en éducation cet automne. Donc, éventuellement, il y a des décisions à prendre et l'AGE se met de la partie. C'est important de participer à ça. Oui, aussi. OK, rapidement, en art et spectacle, on a le temps un peu? Oui, rapidement, par OK, contre. Impro, encore comme sur le cover, Marseille qui vient voir à l'UQTR. Jonathan Pinchot-Gobrinus, le 30 octobre dernier, un petit retour sur ce spectacle. Des suggestions musicales, Caïman Fou, Gobrinus, le 20 novembre, ça s'en vient. Il reste encore quelques billets, si je ne me trompe pas, donc ça risque d'être assez bien. Sinon, très bien avec Isabelle Bell, la chanteuse du band. Aussi, Urgent besoin d'intimité, c'est une pièce de théâtre de fabrication trifluvienne par les nouveaux compagnons. Donc, il y avait une conférence de presse, on présente la pièce qui est actuellement en présentation, si je ne me trompe pas. Donc, à voir. C'est donc une émission de C'est fou, un portrait de l'émission La Connexion animée par un certain Mathieu Plante. C'est un épais, gars. En tout cas. Ouais, un petit portrait, mais pas intéressant toujours. Mm-hmm. En sport, maintenant, on finit rapidement. Oui, sport. Sport, soccer masculin, les Patriotes coulés en une minute. Des statistiques pour les fanas de statistiques. Patriotes hockey, succès mitigé sur la route. Et en soccer féminin, le départ de Calmet laissera un grand vide. Et voilà... plus encore dans votre nouvelle édition de Zone Campus. Merci, il sort Mathieu. Le 12 novembre. Oui, étrangement, j'ai une copie là, mais il sort le 12 novembre. Étrange, comme on s'en entend nos premières positions. Ben, tu sais, qu'il neige ou qu'il pleuve, vous savez que ça va être le numéro 1 francophone. Puis, que ce soit à Trois-Rivières ou à Tokyo, il y en a partout. Il y a des bitches. Des bitches. Vous la comprenez tantôt. Ouais, mais on s'en rembraille, on fait